l'apport technique. Par exemple, quand il y a des revendications des terres, on fait les études historiques avec les sources historiques qu'il y a dans les archives et tout. Et bon, j'ai fait ça. Cette semaine, j'étais dans les négociations de la COP 21 pour voir qu'est-ce qui se passe, comment se passe. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui. Et bon, et on va discuter un peu en rapport à ça, autour de l'autodétermination et tout. Et pour moi, c'est un plaisir aussi de revenir à Rennes, parce qu'avant, j'ai étudié en 2008-2009, j'ai fait mes études ici à Rennes, j'ai passé une année. Et bon, c'est toujours un plaisir de revenir en Bretagne. Pour moi, c'est un autre contexte historique. Quand tu es à Bordeaux, à Lyon, tu notes la différence entre la Bretagne et la région et tout. En plus, la semaine d'avant, j'étais à Bilbao au Pays Basque. En même temps, c'est intéressant parce qu'il y a des. Avec les présentations que j'ai écoutées, il y a des mêmes problématiques. Par exemple, en rapport à la revitalisation de la langue, par exemple, l'euskera, ici c'est le breton. Et bon, à un moment que je me suis dit, bon, il faut parler sur les droits des peuples autochtones au Chili, je voudrais faire une petite introduction sur qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui autochtone. Par exemple, cette semaine, j'étais avec un copain nord-américain. On avait l'idée de faire un questionnaire aux gens qui ne sont pas autochtones. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui s'arrive à la tête au moment que tu penses sur les mots des peuples autochtones. Mais on a fait l'exercice, et parce que tout le monde est arrivé à la définition d'autochtone, d'indien, en rapport à les indiens aux États-Unis, de Native American. Et ça, c'est à cause de que tout le monde européen, le monde occidental, qui n'a pas voyagé, qui n'a pas sorti depuis qu'ils sont petits, ont regardé les films de Hollywood qui montrent un stéréotype d'un autochtone, non, d'un indien. Mais je suis plutôt intéressé, en rapport à ma thèse de doctorat que j'ai fait, sur les changements ou les participations des peuples autochtones dans la scène internationale. De manière générale, les changements expérimentés dans les dernières décennies dans la scène internationale en rapport aux droits des peuples autochtones ont été très significatifs au niveau mondial. Parce qu'avant, les peuples autochtones, les premières relations qu'il y avait entre les peuples autochtones et les États nationaux, les peuples autochtones ont été ignorés par les propres États nationaux. Par exemple, en Amérique latine, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le conflit entre l'État et les peuples autochtones, soit à Chiapas, soit en Bolivie, en plus avec Evo Morales, en Équateur, au Chili. Mais à partir de, je pense que les années 50, 60, les peuples autochtones commencent à faire des interventions, à se faire entendre au sein des Nations Unies particulièrement. Et avant, c'était aux sociétés des nations, mais c'était dans les années 30. Il y avait une intervention d'un dirigeant autochtone qui est parti à Genève, à la Société des Nations, pour montrer qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec les peuples autochtones. Mais à cette époque-là, ce n'était pas un sujet, une thématique intéressante pour les États, la situation des peuples autochtones. Et ça, c'est en Europe. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, dans les années 60, 50, aux États, en Amérique latine? C'est que le subcommandante Marcos a appelé, en espagnol, c'est « Ha llegado la hora de los pueblos indios », c'est-à-dire qu'il est arrivé le temps des peuples autochtones, ou des peuples indigènes. Mais je voudrais clarifier quelque chose, les notions qu'on utilise dans les sciences sociales pour traiter la situation des peuples autochtones ou des indiens. Au début de la colonisation et la conquête espagnole en Amérique latine, la notion qui est la plus connue dans les sources historiques a été la notion de indio. C'est ce qu'ont écrit les Espagnols et tout. On rapporte un erreur historique, non? C'est que les Espagnols cherchaient à arriver à l'Inde et tout. En même temps, il avait la notion de naturales, naturel, c'est que les gens qui sont dans la nature. Non? Pendant, je pense que les 5 siècles d'histoire en Amérique latine, c'était la notion de indio, India, c'était la plus connue, la plus, comment, plus acceptée dans les chroniques espagnoles, la littérature scientifique. Mais en même temps, la notion d'indio commence avec le temps, avec la hiérarchie socio-raciale qui se construit à l'intérieur des États nationaux, commence à avoir un contenu péjoratif. Par exemple, dire indio aujourd'hui en Amérique latine à quelqu'un qui vient d'un peuple autochtone, c'est péjoratif et peut-être qu'on va recevoir un coup. Mais ça dépend en rapport à la langue qu'on parle, en rapport aux peuples autochtones. Par exemple, aux États-Unis, c'est Native American, mais actuellement, c'est plus connu Indigenous People. En France, c'est peuples autochtones ou peuples indigènes ou des Indiens. Il y a plusieurs dénominations, mais je suis pas arrivé à comprendre la différence, parce qu'il y a des. En même temps, en France, les gens disent: Ah, mais ce sont des peuples autochtones, ou ce sont des peuples indigènes. Non, c'est un peu péjoratif. Non, indien aussi. Mais la plus connue, par exemple, dans la Déclaration des Nations Unies, c'est la notion des peuples autochtones. Mais ça, il y a un consensus au niveau des dirigeants autochtones dans le monde, dans la construction de la notion plus connu, parce qu'à la fin, c'est une notion juridique, la notion des peuples autochtones, parce qu'il y a en même temps en Amérique latine, des dirigeants qui critiquent la notion de peuples indigènes, parce qu'ils trouvent que c'est une notion péjorative en même temps. Mais il faut la comprendre dans le sens juridique, qu'il y a beaucoup de déclarations, de mécanismes aux Nations Unies qui utilisent la notion des peuples autochtones, indigenous people, ou peuples indigènes, en tant que terme juridique. Et moi, je vais parler sur les peuples autochtones dans cette conférence, aux peuples indigenous people. À différence de l'Australie, qui c'est aborigène. Les aborigènes, en Australie, c'est la notion qu'ils utilisent pour nommer. Et plus concrètement, j'ai choisi trois axes, trois problématiques, mais je pense que je vais changer un peu la structure. Mais quand on parle de la situation des droits des peuples autochtones, ou droits autochtones au Chili, il faut comprendre le contexte historique, que je pense qu'il y a une grande partie des assistants qui connaissent un peu l'histoire de Mapuche au Chili. Mais rapidement, il faut tenir en compte que le peuple Mapuche, ça a été un des seuls peuples autochtones en Amérique latine qui ont fait les résistants contre les Espagnols. C'est-à-dire que il avait la construction d'une autonomie politique territoriale. On peut regarder toutes les sources historiques des chroniqueurs, des chronistes espagnols qui racontent l'établissement d'une frontière territoriale et politique entre les Mapuches et les Espagnols. Cet processus d'autonomie politique que je vais vous montrer graphiquement, là, par exemple, on peut regarder que ça, c'est la partie sud de l'Amérique latine, c'est l'Argentine, le Chili actuel. À cette époque-là, à partir du 16e siècle jusqu'au 19e siècle, les Mapuches, on avait tous ces territoires en autonomie politique jusqu'à la zone de Buenos Aires, en plus à la zone plus au nord de Santiago. Après, avec la colonisation, la construction de l'État-nation chilien, au début du 19e siècle, commence toute une idée de racialisation et de dénigration des peuples autochtones, dans ce cas les Mapuches, pour trouver comment dire, une référence, une légitimation pour conquérir les terres Mapuches. Hein. À cette époque-là, le processus de colonisation des terres Mapuches s'était fondé sur la notion de indios malos en tierras buenas, c'est-à-dire de mauvais indiens dans les bonnes terres, les terres productives. Et on peut trouver ça dans la plupart des journaux au 19e siècle, ce message de dire, bon, il a de bonnes terres en Patagonie, il a des terres productives, mais les Indiens ne travaillent pas la terre. Et en plus, c'était le contexte mondial à cette époque-là, c'était l'industrialisation au 19e siècle. Et la demande de doublé dans les marchés nord-américains, doublé en Australie, en Europe. Et c'est pour ça qu'il y avait plusieurs motivations de l'État et des élites dirigeantes chiliennes et argentines pour faire la conquête de ces territoires. Et au Chili, par exemple, il avait la Casa de la Colonisation, que on peut la traduire comme la Maison de la Colonisation, qui avait invité plusieurs, on peut dire, des émigrés européens, des Allemands, des Français, des Suisses, qui actuellement sont les propriétaires d'une grande partie des terres, soit en Argentine ou soit en Patagonie. Par exemple, en Argentine, c'est Benetton, c'est un grand propriétaire de la Patagonie, parce qu'il y a la production de moutons pour faire de la laine et tous les processus extractivistes pour faire des vêtements. Et on a parlé en même temps du mouvement Mapuche, non? Et aussi, il y a des gens qui parlent de les mouvements Mapuche et il y a des copines Mapuche qui parlent de la mouvement. Comment dire, en train de genrer la mouvement Mapuche. Parce que la critique, c'est que bon, la critique des femmes Mapuche, c'est nous, on fait partie en même temps du mouvement Mapuche, non? Mais pourquoi il faut le dire la? Tu vois, c'est tout le temps les mouvements Mapuche. La critique, c'est. Mais c'est acceptable, c'est intéressant qu'il y a au même temps dans les mouvements Mapuche, il y a des courants féministes et tout. Pour décoloniser en même temps le système patriarcal. Mais quand on parle des mouvements mapuche, dans la littérature, on peut dire mapuchographique, non? Parce que aussi, il y a des mapuchographes, non? Des anthropologues, qui sont les experts. Moi, je suis un objet d'étude. Hein? Parce qu'il y a des anthropologues qui étudient les gens qui font les études et tout, les mapuches qui écrivent. Mais dans la littérature anthropologique ou historique, soit de l'Amérique latine, soit l'anthropologie française ou nord-américaine. La plupart des chercheurs parlent de l'origine du mouvement Mapuche après de 1990, au moment du retour de la démocratie. Mais historiquement, il faut comprendre qu'après la guerre qu'a fait l'État chilien et l'État argentin ensemble, une guerre de colonisation en 1883, en 1907, après cette guerre, le mouvement Mapuche a réalisé un parlement historique très connu qui s'appelle Futa Chagún. Futa, c'est grand. Chagún, c'est une espèce de parlement des dirigeants Mapuche et tout. Et cet événement s'est passé au milieu de la cordillère des Andes. Et au niveau historique, on peut dire que c'est l'origine, le début du mouvement Mapuche en 1907. Parce qu'en 1910, il a plusieurs, commence à se créer plusieurs organisations mapuches. À cette époque-là, c'était la Société Caupolicán. C'était une organisation mapuche avec des mapuches professionnels, là, en 1910. Et après, commence une série d'organisations mapuches, particulièrement dans les espaces urbains. Rapidement, arrive la réforme agraire en 1962. Avec tous les. À cette époque-là, il avait une idéologie, on peut dire, révolutionnaire avec la réforme agraire. Mais en même temps, par exemple, pour les chercheurs chiliens, on vient d'étudier la réforme agraire en 1962 et 1973, au moment qu'arrive le coup d'État de Pinochet. Il y a beaucoup de chercheurs chiliens qui disent que les Mapuches voulait faire la révolution à cette époque-là parce qu'il y avait de la jeunesse mapuche qui participait de la réforme agraire, c'est-à-dire de la récupération de comment dire, latifundios, de grands espaces de terre. Mais il faut expliquer que quand on fait de l'histoire orale avec les grands dirigeants qui ont participé à cette époque-là, de cette révolution avec Salvador Allende et tout, pour les Mapuches, c'était pas l'idée de faire la révolution, sinon c'est de faire de la récupération des terres. Il y a deux choses différentes que la gauche chilienne jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à comprendre. Au moment qu'arrive la dictature militaire de Pinochet, Et la poussière travaille sur le travail d'histoire sur la mémoire de la torture et l'exil des Mapuches au moment qu'arrive le coup d'État de Pinochet. Et cet événement donne des légitimations à ce discours de dire, bon, les Mapuches, à cette époque-là, on n'était pas organisés, non? Mais c'est intéressant, c'est que je viens de. Avec mes enquêtes que je suis en train de faire, moi je voyageais un peu en Europe, en train de suivre les anciens exiliés mapuches, et on peut trouver que le mouvement mapuche s'était importé en Europe au moment qu'arrive la dictature de Pinochet. Et en 1978, s'est créé en Europe un comité extérieur mapuche. Qui ce sont tous les Mapuches exiliés en Europe qui commencent à travailler avec les Samis de Finlande, de Norvège et des autres peuples autochtones, particulièrement ceux qui viennent pour discuter pour la création de la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones aux Nations Unies. Et au moment que commence la discussion ou le débat pour la transition démocratique au Chili, qui a été fondée sur sur la même transition démocratique qui s'est passée en Espagne, au Chili, c'est fait comme une copie de la même transition, non? Une transition négociée entre la dictature, l'élite dirigeante et les nouveaux, on peut dire socialistes et tout, non? Et en 1980, au niveau juridique, si on parle des droits des peuples autochtones au Chili, en 1980, s'est créée la constitution qui existe aujourd'hui au Chili, c'est la constitution qui a créé Pinochet. Qui on a pensé que 10 ans après, on va construire une autre constitution. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est tout le temps un débat de la construction, de faire une assemblée constituante. Mais. Cette constitution ne permet pas de changer la situation des droits des peuples autochtones. La transition démocratique de Pinochet, en 1993, s'est créée une loi qui s'appelle la loi indigène, qui a un numéro qui s'appelle 19-253, c'est la loi autochtone qui existe aujourd'hui au Chili. Il avait les points principaux, c'était la restitution des terres, la recomposition de nouvelles autorités politiques, mapuche et tout. Mais il y a plusieurs gens et chercheurs qui disent que cette loi, qui voulait donner certains droits aux peuples autochtones au Chili, c'était comme un ethnocide, en rapport à le suivant argument. Cette loi crée une institution au sein du ministère de développement social qui s'appelle Corporation nationale de développement autochtone. Et cette institution a créé un système qui cherche des représentants autochtones, mais qui ne sont pas les représentants autochtones que chez nous on pourrait avoir. C'est-à-dire, par exemple, et si vous, par exemple, vous êtes l'élan que les dirigeants, historiquement, avant qu'arrive l'État, l'État ne le cherche pas pour représenter son peuple, sinon qu'il va chercher quelqu'un qui est jeune, qui connaît bien le système chilien. Il va dire, bon, il connaît bien le système, on va pas légitimer les autorités traditionnelles, on va légitimer les autres autorités. Et comme ça commence tout un processus de dispute entre les communautés. Et à la fin, c'est comme divisé pour régner, non? Et dans les années 90, il y a plusieurs historiens mapuche qui ont fait beaucoup de travail sur ce processus. Je pense qu'en 1990 commence la revendication plus forte du mouvement mapuche au Chili. En 1997, il y a la revendication plus grande du mouvement mapuche, qui c'était Alumaco, qui c'est une région au sud du Chili, qui avait des entreprises forestières, de eucaliptos y tú. Y, le di, y ese te fue la organización coordinadora, Rauco Mayeco, que te dirigí por un de gran dirigente mapuche, Héctor Yaitul, que comencé a hacer de reivindicación a un plus radical, sur le fondement de la recuperación territorial. C'est-à-dire, le contrôle territorial, c'était une notion de dire, bon, si l'État ne répond pas avec la politique de restitution des terres, nous, on va faire la occupation territoriale des terrains, on va travailler sur les terrains, on va exercer le contrôle territorial. C'est-à-dire que l'État ne rentre pas ici avec la police et tout. C'est un peu ce qu'a fait SATLN au Mexique. C'est un peu pareil, les systèmes, les méthodes. Non? Le même État chilien commence à voir que le mouvement mapuche commence à ressurgir, il y a de la jeunesse, il y a des dirigeants qui commencent à parler, qu'il y a des manifestations dans les villes et tout. Commence une criminalisation, c'est-à-dire il y a une institution des centres d'intelligence chiliens commence à dire, bon, il y a pour délégitimer les mouvements, commence à dire, non, il y a des rapports entre les mouvements mapuche et État, au Pays Basque et tout, commence à. Actuellement, c'est de chercher un discours qui dit le mouvement mapuche est associé au FARC en Colombie. C'est-à-dire que jamais on a trouvé de sources pour dire ça au niveau juridique. Et tout ce processus de criminalisation commence à partir de la persécution des dirigeants clés dans le mouvement mapuche. C'est-à-dire la persécution et l'emprisonnement des dirigeants. Accusé de faire des actes terroristes. Et comme ça, un des systèmes juridiques pour faire la persécution des dirigeants sous la dictature de Pinochet, c'était la loi antiterroriste, qui jusqu'à aujourd'hui existe encore. Et cette loi a fait des procès de jugement au tribunal chilien. Des Mapuches entendent de dire qu'ils ont fait des actes terroristes. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun juge qui a fait la comprobation, non, avec les sources que c'était un acte terroriste. Et la CIDH, qui c'est la Commission internationale des droits de l'homme, l'année 2014, a fait sortir un jugement qui dit, bon, l'État chilien a jugé plusieurs Mapuches des actes terroristes. Mais qu'à la fin, c'était, comme on dit en espagnol, c'est le démontage juridique pour criminaliser les mouvements mapuche actuels. Non? Et si on parle au niveau continental sur la situation des droits des peuples autochtones, l'Argentine et le Chili sont totalement différentes en rapport que. Le système administratif est différent. En Argentine, il y a les États sont plus autonomes, les États. Il y a la de Provence. Provence. Au Chili, il n'y a pas ça, c'est plutôt centralisé. En Argentine, c'est des États fédéraux. Mais ça donne un contexte très différent en Argentine et au Chili. Par exemple, où est. Plus fort les mouvements mapuches, les revendications, c'est du côté du Chili. Et ça, c'est un rapport à que la population est plus grande au Chili qu'en Argentine. La population mapuche actuellement, il y a 1,5 million de mapuches. Mais ça commence à monter, à augmenter en rapport à la auto-identification des mapuches dans les villes. Non? Les villes au Chili. Parce qu'au début des années 90, les premières census non. Recensement ont donné que les Mapuches c'était 500 000 Mapuches. Aujourd'hui, le recensement dit qu'ils sont 1,5 million de Mapuches. Mais ça commence en rapport à la. Excusez, comment ils les comptabilisent? Parce que enfin, j'imagine que vous êtes beaucoup mélangés oui. ici. Comment ils font pour comptabiliser qui est Mapuche et qui n'est pas Mapuche? Et oui, et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est un débat super intéressant parce que c'est un rapport au droit à l'autodétermination. Actuellement, c'est l'État qui dit qui sont mapuches, mais ce n'est pas nous qui on dit qui sommes nous. Hein. C'est le même État qui construit un dossier avec des questions, bon, c'est une question seulement dans les recensements, qui dit vous êtes mapuche. C'est pas si vous êtes mapuche, vous êtes aymara, vous êtes Rapa Nui. Si vous sentez que vous êtes mapuche. C'est pas quelque chose comme aux États-Unis que c'est racial, non? Mm-hmm. C'est noir, c'est Native American. Mais Chili, non. En plus, les noms aussi. Par exemple, chez nous, les noms, c'est important, non? Mm-hmm. Il faut avoir un nom mapuche parce que ça, c'est ta famille qui est liée derrière et en même temps un territoire, non? Et donc, ils déterminent ça uniquement d'après le nom? Mm-mm. Il y a, par exemple, il y a cette Corporation nationale de développement autochtone, qui s'appelle CONADI. C'est l'institution d'accréditer, de donner des accréditations aux Mapuche pour dire si vous êtes Mapuche ou pas. Mais nous, les Mapuche, on fait des blagues, non? C'est comme, on fait, oh, mais j'ai obtenu le certificat d'attestation que je suis Mapuche. Oh. Non, mais c'est, à la fin, c'est l'État qui te dit que vous êtes Mapuche, vous êtes Aymara et tout, non? Mais c'est... Ce n'est pas en rapport à l'identité, non? C'est seulement une question que dit. Il y a plusieurs gens, des personnes mapuches qui disent non, je suis mapuche, mais ne vis pas comme. Dans la vie quotidienne, ils ne sont pas mapuches. Il y a. Parce que c'est intéressant de voir, par exemple, de faire une anthropologie de l'État en rapport à les mélanges entre les politiques autochtones et le multiculturalisme. C'est-à-dire les mélanges entre le système néolibéral et les politiques. Autochtones au Chili. Par exemple, c'est intéressant de voir, et comme ça je passe à la deuxième partie, c'est que l'État, à partir du moment de la revendication, on peut dire la cristallisation plus grande du mouvement mapuche, avec les activités plus radicales de mapuche, l'État commence à dire, bon, on va faire des programmes pour les autochtones, et ce programme s'appelait à cette époque-là le programme Orígenes, Origine. Et la phrase qui disait, c'était tu peux te développer depuis ton origine. C'est-à-dire, l'État a fait un prêt à la Banque Interaméricaine de Développement, BID, avec plusieurs millions de dollars pour faire des programmes culturels associés à l'artisanat mapuche, la santé mapuche autochtone, mais en temps de dire et d'utiliser par exemple ces discours, il y a un anthropologue nord-américain qui parle de indios buenos, indios malos. C'est-à-dire que l'État dit bon, vous êtes les mapuches qui revendiquent les droits à la terre, les droits collectifs, mais vous êtes trompé dans son stratégie parce qu'il y a des mapuches qui sont très contents avec nos politiques, qui reçoivent l'argent et tout. Et vous êtes. C'est pas légitime votre lutte pour les droits collectifs. Non? C'est-à-dire, l'État utilise. Bon, les mapuches sont terroristes. Les gens qui demandent des droits collectifs sont terroristes. Les autres sont des bons mapuches. Non? L'indio bueno, c'est qui reçoit, qui ne dit pas, non, je n'ai pas envie de ça. C'est l'indio qui reste. Sans dire rien. Et l'État, jusqu'à aujourd'hui, utilise ça. Non? Et comme aujourd'hui, par exemple, il y a un anthropologue mexicain qui parle de la ethnophagie. C'est-à-dire comment, actuellement, en Amérique latine, commence tout un processus de mélange entre le néolibéralisme et les luttes autochtones. C'est-à-dire qu'on peut mettre cette réflexion en rapport ou analyser le capitalisme, quand même. Non? Comment le capitalisme, actuellement, a été hyper intelligent pour, en même temps, créer, par exemple, à Chiapas ou chez les Mapuches, le tourisme de résistance. C'est-à-dire qu'il y a des packs. Par exemple, à Paris, avant-hier, à la Bellevilloise, il avait un pack pour faire un tourisme de résistance à Chiapas. Mais tu peux payer avec carte Visa, CB, Mastercard. C'est-à-dire que comment se mélange actuellement les systèmes néolibérale en même temps avec les politiques autochtones. Par exemple, et c'est ça que les peuples autochtones à la COP21 ont dit, nous, on n'a pas un système capitaliste, on n'a pas un système extractiviste. Et de l'autre côté, l'État, par exemple, chilien, ou ça se passe aussi en Nouvelle-Zélande, dit, oui, mais vous pouvez rester autochtone, mais avec le système capitaliste en même temps. Et c'est ça que le débat aujourd'hui, c'est autour de ça, non? C'est comment arriver à la autodétermination, à l'autonomie, et quel va être le système économique, non? C'est ça la discussion à la COP21, le dernier rapport qu'a fait la rapporteuse des droits des peuples autochtones aux Nations Unies, Vicky Tauli, a lancé un appel aux États de la COP21 parce qu'ils ont viré ou éliminé la notion des droits des peuples autochtones dans l'accord de la COP21. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est fini la COP21, les peuples autochtones sont exclus de la discussion, il n'y a pas de droits des peuples autochtones, et en plus les peuples autochtones sont on peut dire que sont les propriétaires d'une grande partie de la forêt en Afrique et en Amérique latine. Hein. 5 millions de peuples autochtones en Afrique, plusieurs millions de peuples autochtones en Amérique latine. Et ça, c'est c'est-à-dire que quels sont les enjeux politiques de la lutte pour la lutte de l'autodétermination. Et en même temps, je pense qu'il faut définir en même temps qu'est-ce que ça veut dire le débat autour de l'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire pour les autochtones, l'autodétermination? Qu'est-ce qu'on entend pour autonomie? Par exemple, l'autodétermination, on dit, parce qu'en anglais ça s'appelle self-determination, no? Que c'est totalement différent à l'autodétermination, au niveau juridique. No? Et ça, c'est la discussion aujourd'hui qui se passe, par exemple, avec le gouvernement d'Evo Morales, avec García Linera, Silvia Rivera Cusicán, qui des intellectuels autochtones qui parlent de si l'autonomie c'est un exercice politique, ou si l'autonomie c'est une chose à arriver, c'est l'État qui te va donner l'autonomie politique, c'est nous qui on va construire l'autonomie politique au niveau quotidien. Pour donner un exemple, dans la discussion de la COP21, on a parlé avec plusieurs gens des ONG et tout, qui ont pour sauver les autochtones. Et on dit, tout le monde disait, bon, il faut réagir au changement climatique. Mais la question, je pense que c'est l'envers, non? C'est comment dans la vie quotidienne on change les choses dans notre espace micropolitique, on peut dire, non? Parce que la fin, c'est de changer le mode de vie. Parce que, par exemple, le changement climatique, on peut dire, bon, on va prendre des décisions pour diminuer les émissions et tout, mais il faut changer en même temps le système de vie, le mode de vie, non? Et ça passe la même chose avec les peuples autochtones en rapport avec il faut construire. C'est ma vision, non? C'est ma vision, et les autres amis autochtones aussi, de dire que ce n'est pas l'État qui va te donner l'autonomie, sinon que c'est une lutte qu'il faut la construire. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si l'État, bon, d'un jour à l'autre, te dit, bon, vous êtes autonome, on va lui donner l'autodétermination. Mais personne ne parle la langue. Comment on va s'organiser au niveau politique, au niveau économique, au niveau de l'université et tout, non? Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs alternatives. Et quelles sont les propositions du mouvement Mapuche actuellement pour arriver ou construire l'autodétermination? Et dans le mouvement Mapuche, il y a plusieurs organisations politiques, organisations professionnelles et tout, qui luttent pour l'autodétermination. Par exemple, aux Nations Unies, il avait un collègue qui était aymara, no quechua, de la COICA, que es la coordinadora andina de organizaciones indígenas. Y él dice, wow, vous les Mapuche, nos organismos, vous êtes, tout le temps, vous êtes en conflit entre vous et tout. Mais si on regarde historiquement, les Mapuche n'ont résisté, les Espagnols, en rapport à ça. C'est-à-dire que l'action est diverse. Parce que les Espagnols sont arrivés, par exemple, à Cusco, au Tahuantinsuyo, qui était l'empire des Incas. Ils ont pris les pouvoirs centraux, non? Chez les Mapuches, il y a plusieurs pouvoirs centraux. C'est pour ça que les Espagnols ont dit, bon, on a pris les chefs des Mapuches, mais après, il arrive des autres, comme ça, non? Et ça, aujourd'hui, comment existe aujourd'hui? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs alternatives de plusieurs organisations Mapuches. Y la coordinadora Arauco Mayeco, que es la organización más radical, fundé su discurso anticapitalista, y el Consejo de Todas las Tierras, que es la tête visible, es Aucán Wilcamana, un dirigente histórico, que habla actualmente sobre la construcción de una nueva constitución mapuche, y la proposición de esa centralización de las Naciones Unidas, cuando yo te la va, y le dan. Un ONG qui s'appelle Hospice Estel. Et c'est un ONG du royaume de l'Araucanie et la Patagonie. Que c'est un royaume qui cite en français. En français. Et c'est en 1860, il avait un français qui s'appelait Aurélie d'Antoine de Tounens, qui s'est proclamé en tant que roi de Mapuche, la Patagonie et l'Araucanie. Vous pouvez chercher sur Internet le royaume de l'Araucanie et la Patagonie. Et il y a plusieurs Mapuches aussi qui participent de cette. Qui sont, comme dit, Conte, qui sont qui ont des titres de la noblesse, non? Donnés par ce royaume. Non? Mais on a, cette participation de cette organisation aux Nations Unies, sa présence aux Nations Unies, a une stratégie politique, mais je ne suis pas d'accord avec cette stratégie politique, c'est que. L'argument, c'était Aurélie d'Antoine de Tounens en 1860 qui a créé une constitution pour gouverner les Mapuches, il a créé une monnaie et tout. En tant qu'il a une constitution, il a un État. Et cette organisation dit que, en tant qu'État, les Mapuches, on rapporte qu'on était un État, on peut passer dans les négociations ou les mécanismes des États colonisés, comme l'Algérie, comme le Maroc et tout. Et avoir une représentation en tant qu'État aux Nations Unies et pas une représentation en tant qu'ONG ou société civile qui observe seulement les discussions et les débats. Mais la chose, c'est que il y a possible Mapuche qui participe de cette idée, mais je ne suis pas d'accord. On rapporte que c'est un royaume de l'Araucanie. Par exemple, aujourd'hui, qui a la tête, il a 23 ans, un truc comme ça. C'est un Français qui habite Paris, je pense. Que c'est le. La famille royale. Mais ce sont plusieurs stratégies. Non, si vous rigolez, si vous pouvez chercher sur Internet le royaume et tout. C'est... Il y a une autre organisation politique qui s'appelle Walmapuwen, qui c'est un Walmapuwen, c'est un projet de parti politique mapuche qui cherche la voie constitutionnelle, la voie de pour arriver au Parlement au Chili. À travers le processus démocratique et tout. Mais qui cherche maintenant l'autodétermination, mais ils ne sont pas beaucoup parce que c'est un mouvement qui passe basiquement à la ville, non? Pas dans l'espace rural et tout. D'autre part, et je pense que c'est une des plus intéressantes, c'est la Fédération Mapuche d'étudiants, qui est une organisation qui ont commencé à travailler autour des écoles linguistiques. Ou des internats, c'est la notion immersion, non? C'est qui a travaillé sur les immersions linguistiques. Et je trouve super intéressant ça parce que la langue c'est un des axes plus importants d'un peuple. Parce que là ça passe toutes les choses, toutes les manières de nous la manière de se relationner, la manière de vivre, la manière de communiquer, de faire l'économie, de faire la politique. De faire, par exemple, les Basques, ils ont changé le système constitutionnel en euskera, non? C'est-à-dire que toute l'université se fait en euskera, l'université de Deusto, par exemple, l'université du Pays Basque. Et cette fédération Mapuche d'étudiants, c'est une fédération qui existe dans Je trouve que c'est plus intéressant parce que c'est la jeunesse. Et la jeunesse signifie en même temps les liens de passage entre les anciens et les nouveaux. Et ce sont des gens qui font les études de linguistique, d'histoire, à l'université, qui en même temps, le week-end, rentre chez eux avec sa mère, avec sa famille et tout, pour continuer à vivre comme ça. Mais seulement pour faire les études, vont dans la ville. Et par exemple, en janvier, février, c'est l'été au Chili, 7 février, il y aura par exemple des internats, des écoles d'été pour les gens intéressés pour répondre la langue. Non? Et en même temps, c'est intéressant parce que ils cherchent à construire une autonomie, mais d'en bas. C'est-à-dire que l'autonomie se construit. Non? Parce que si tu cherches l'autonomie et tu cherches l'État tout le temps, parce que, et ça, c'est la discussion de. C'est une discussion de stratégie, non, politique. Il y a des gens qui disent non, il faut utiliser l'État pour arriver à l'autonomie, l'autodétermination. Mais cette école, par exemple, est financée sans l'État. C'est-à-dire qu'il y a l'autogestion. En train de dire, bon, nous, les Mapuches, on cherche l'autonomie. On ne va pas chercher les ressources économiques ou financières de l'État, sinon que nous, on va faire l'autogestion. Et c'est ça qui est intéressant de voir comment nous-mêmes, on peut reconstruire notre système économique en même temps. Et je pense que dans le débat actuel en Amérique latine, il y a plusieurs débats sur la décolonisation, ou le tournant décolonial qui parle de plusieurs chercheurs qui parlent de ça. Mais je pense que la décolonisation en Amérique latine, c'est un des débats qui touche beaucoup les peuples autochtones en rapport à qu'est-ce que ça veut dire décoloniser le mode de vie, qu'est-ce que ça veut dire décoloniser l'école, décoloniser l'université, décoloniser la santé. Et c'est-à-dire qu'il faut. C'est pas une idée de retourner à comme c'était avant, parce qu'on ne va pas arriver comme c'était avant. Mais c'est à la fin, c'est de changer de mode de vie, de reconstruire notre système de vie, notre système économique, la manière de nous relationner, qui est totalement différente au système de vie, on peut dire, occidental. Mais en même temps, il y a la question, qu'est-ce que ça veut dire occidental, no? Mais le système qui existe aujourd'hui, no? Par exemple, si nous on fait une archéologie en rapport au changement climatique, no? Le pétrole, par exemple. Si tu prends un bus, il y a du pétrole, non? Il sait d'où vient le pétrole, d'où vient tout ça, d'où vient comment on dit, pour faire des papiers et tout. Ça vient de l'Amazonie, ou ça vient de territoires où il y a des entreprises extractivistes, non? Et c'est pour ça que, comment changer les modes de vie, comment décoloniser la vie, par exemple. C'est-à-dire décoloniser la vie, c'est-à-dire, bon, décoloniser le temps. Ça, c'est intéressant parce que les peuples autochtones ont une autre conception du temps. C'est plus calme, il ne faut pas être stressé et tout. Il y a un autre système, non? Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'essentialisation en même temps. Il faut être critique parce que tous les peuples autochtones sont des humains comme tout le monde, non? Parce qu'il y a des gens qui essentialisent les peuples autochtones, non? Qui sont associés plutôt aux chamans, qui font des sessions avec les chamans. Mais je pense que c'est ça en rapport à ça, et c'est là la lutte, par exemple, qui existe aujourd'hui dans le mouvement Mapuche. L'autodétermination est d'une grande importance pour les mouvements autochtones, soit en Amérique latine, soit en Inde, soit en Afrique. C'est ça que se discute aujourd'hui aux Nations Unies, c'est l'autodétermination, c'est comment l'autonomie. Ce sont des grands sujets dans le centre de discussion des peuples autochtones. Parce que quand on a une autodétermination, on peut choisir ensemble, au niveau collectif, quoi faire avec nos ressources naturelles. Non? Parce que, par exemple, en Amazonie, il y a l'autonomie politique en Amazonie, parce que c'est hyper grand. Mais les gens ne cherchent pas à faire de l'extractivisme, non? Sinon qu'ils cherchent, bon, ça fait partie de nous, non? On ne veut pas notre chose, on ne veut pas un métro, on ne veut pas... C'est pour ça qu'il faut connaître la vie, qu'est-ce qu'on veut, non? Je pense que l'autodétermination, je parle de la notion de droit de l'homme, et l'autodétermination c'est un droit humain. Parce que, après les femmes te critiquent et tout, c'est le droit de l'homme. Ah. Non, parce qu'en français ça s'appelle le droit de l'homme, mais actuellement le dernier débat c'est droit humain. L'autodétermination c'est un droit humain, c'est un droit politique, un droit linguistique. Et un droit à l'éducation, un territoire, et en même temps un droit épistémologique. Par exemple, dans la discussion de la COP21, il y avait plusieurs sessions parallèles, mais critiques de la COP21, qui tout le monde parlait du dialogue épistémologique, de faire un dialogue épistémologique, mais... Qu'est-ce que ça veut dire un dialogue épistémologique, non? C'est, si on va, il y a toute la problématique de la traduction, non? Il y a des choses qui n'existent pas dans une langue et dans une autre n'existent pas aussi. Et l'autodétermination pour le mouvement mapuche, je pense que est important en rapport à la projection politique, sociale et culturelle d'un peuple. Non? Tous les peuples cherchent ça, non? De se construire, de se projeter dans le monde. Non? Et c'est à la fin, c'est le peuple qui décide au niveau collectif. C'est ça la grande problématique qu'il y a dans les droits internationaux en rapport à les droits individuels qui existent dans tous les États. En France, il cite les droits individuels, mais les peuples autochtones arrivent avec, en train de dire, bon, nous n'a pas, on ne cherche pas les droits individuels, on cherche les droits collectifs. Et ça a changé totalement les droits internationaux. C'est pour ça qu'il cite la Convention 169 de l'OIT. Et cet changement de vision entre droits collectifs et territoire a été important aujourd'hui pour l'autodétermination. Et je vais finir, par exemple, avec la définition qui existe aujourd'hui de la grande partie des anthropologues qui traduit Mapuche comme littéralement Mapu, terre, chez gens ou personnes. Il y a une erreur épistémologique parce qu'il y a la différence et la séparation en même temps, non? C'est terre, gens. Mais dans la langue, n'existe pas la séparation. Et cette séparation a provoqué dans les systèmes juridiques que... Il y a des concessions minières au Chili, dans le territoire mapuche, mais l'État dit, et les avocats arrivent en disant vous êtes propriétaire de la terre, ce que vous regardez, mais nous, on est propriétaire de ce qui est en bas de la terre. Parce que ça, c'est pas la terre. La terre, vous êtes propriétaire de la terre. Mais c'est une définition épistémologique qui a tombé sur ces problématiques aujourd'hui. Non? Et ça, la notion de territoire, c'est plus complexe. Et ça existe dans la déclaration des Nations Unies, la convention 169 de l'OIT, qui sont les mécanismes que utilisent les peuples autochtones actuellement pour freiner les projets extractivistes dans le monde entier, soit au Pérou, soit au Mexique, en Asie, les Sami, par exemple, en Finlande, avec les entreprises, ou la Norvège, avec les entreprises pétrolières, ou en Russie, par exemple. Il y a des peuples autochtones en Russie qui actuellement sont... C'est ça que j'ai regardé, par exemple, il y a les mouvements autochtones en Amérique latine, sont hyper forts et tout, et il y a une discussion, un débat déjà, mais en Russie, il n'y a rien.